Le roi bahreïni Hamad bin Issa al-Khalifa a fait parvenir un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire lui a formulé les salutations sincères, les meilleures félicitations et bénédictions au nom du peuple du royaume de Bahreïn et en son nom propre à l'occasion de la fête nationale de la République populaire démocratique de Corée et lui a souhaité santé et bonheur ainsi que progrès et prospérité continue au peuple coréen sous sa direction éminente.